On continue évidemment nos podcasts spéciaux sur le décès de Guy Lafleur avec l'ancien entraîneur des Nordiques et des Rangers. Une personne qui a été très, très importante dans la carrière de Guy, qui a cru en lui pour son retour, c'est Michel Bergeron. Bonjour Michel. Oui, bon matin. Michel, comment c'est l'entrevue que vous faites depuis hier? Ça doit être énorme. Je parlais à Yvon Lambert tantôt, puis ça ne dérougit pas. Ça doit être un peu la même affaire pour vous. Oui, exactement. Depuis qu'on a appris le décès de Guy hier matin, ça a été un feu roulant, mais des souvenirs, j'en ai tellement avec Guy, ouais. Que ça me fait plaisir de contribuer parce que Guy Lafleur a été pour moi une source d'inspiration. Guy Lafleur, il y a plusieurs étapes dans tout ça. C'est que Guy a été un adversaire quand je dirigeais les Nordiques contre les Canadiens. Ouais. Des bonnes années. Guy était même sur la patinoire lors du fameux Vendredi Saint. Mm. Après ça, il y a eu le retour de Guy avec mon équipe à New York. C'est surtout ça que je voulais vous parler. Quand il y a eu des rumeurs, quand Tom Lapointe, c'est Tom Lapointe qui avait sorti la nouvelle là, que Guy Lafleur était sur le point de revenir, est-ce que c'est l'agent qui vous avait contacté hein, pour avoir un essai? Oui, Yves Tremblay, son agent, était en compagnie de Guy. Et puis, à un moment donné, j'étais à New York en train de préparer mon camp d'entraînement. Puis, finalement, je reçois un téléphone. Je reçois un téléphone des deux. Puis, en me disant que Guy voulait faire un retour au jeu, j'étais surpris. Mais d'un autre côté, j'avais entendu dire que Guy jouait avec les anciens, jouait avec ses amis, puis qu'il était dans une forme spectaculaire. À ce moment-là, ben, j'ai parlé à Phil Esposito, qui était mon patron, directeur gérant des Rangers. Puis là, il était impressionné par ça. Puis il a dit, il m'a dit, ben. Rien à perdre. On n'a rien à perdre, dans le fond. Ben, il m'a dit, fallait venir à New York. Puis là, j'ai dit, OK, prends l'avion, viens-t'en à New York. Puis j'avais été le chercher à l'aéroport. Il était beau, il était bronzé, wow. Fait que je l'ai amené au bureau Madison Square Gardens, Broadway. Mm. Puis, Phil Esposito avait été très impressionné. Puis, finalement, on l'a invité au camp d'entraînement. Puis, ce qui est impressionnant, c'est qu'il est venu au camp d'entraînement sans contrat. Ouais, ouais. Il fallait qu'il se mérite une place. Mm. Et lors du camp d'entraînement, ben, je me souviens, je m'en allais au Colisée de Trois-Rivières avec Guy dans mon auto. Puis là, il y avait du monde en file qui attendait d'entrer dans le Colisée. Puis, le camp d'entraînement a débuté. Puis, le premier but marqué ce matin-là, mais c'était Guy Lafleur contre John Van Beesbrouck. Ouais. Puis, c'est un moment que j'oublierai jamais. Puis, Guy m'a toujours impressionné parce que quand on parle de pression, il y a toujours bien vécu avec ça. Ben, parce moi, que Guy n'avait pas de contrat. Roger Brulotte, hier, me dit, il dit, Michel Bergeron, il a pas fait de cadeau là, à Guy Lafleur là, quand il est arrivé à New York. Là. C'était pas parce qu'il s'appelait Guy Lafleur qu'il avait des passes droits. Là. Il a vraiment gagné son poste. Oui, absolument. Écoute, au camp d'entraînement, les deux premières journées, on en est venu à la conclusion. On s'en allait dans l'ouest du pays pour jouer des exhibitions. Mm. Puis on a décidé que Phil Esposito a décidé de lui offrir un contrat que Guy a accepté. Puis ça a été le début d'une belle aventure parce que Guy, à ce moment-là, était âgé de 37 ans. Il n'était plus le joueur qu'il a été. Puis souvent, dans la saison, Guy me demandait de jouer un peu plus souvent. Puis il me disait souvent, j'aurais aimé ça que tu me coaches quand dans mon prime, lorsque j'avais 26, 27 ans. Mais il était agréable à coacher. Puis, au fil des jours, ben, Guy, c'était plus seulement un joueur, c'est devenu un ennemi. À l'occasion, on allait souper ensemble. Nos femmes, Lise et ma femme Michelle s'entendaient bien. Lise était plus âgée que les épouses des autres joueurs, ouais. Donc elle s'entendait bien avec Michel. Puis ils sont devenus de bonnes amies. Avec quel compagnon de trio vous l'aviez jumelé à l'époque, hein? C'était-tu... Il jouait avec Tony Granato, à l'occasion avec Lucien Deblois. Ouais. Okay. Il jouait sur le jeu de puissance avec Marcel Dion. Walter, pas d'amener. C'était un bon marqueur, pas d'amener. Non, pas d'amener. Okay. Il jouait, c'est l'année après. Il jouait avec Sandstrom. Hope Darling. Puis son roommate à l'époque, c'était Tony Granato, qui a eu une belle carrière dans la Ligue nationale. Ah, ouais, ouais, ouais. Donc, il y avait Brian Leach à défense. Et 4 février 89, parlez-moi de ce match-là. C'est un match de fou. Hein. C'est un match pour les spectateurs, c'était le fun, mais pour pour les entraîneurs, c'était pas très beau, là. Ouais, écoute bien, ouais. Guy était excité de jouer au Forum, c'est évident. Là. Ouais. C'est un match, je me rappelle, parce que on gagnait le match après deux périodes. Guy a marqué deux buts, mais Pat Burns me l'avait dit. Hein. Pat Burns avait fait toute une colère après la deuxième période. Les joueurs du Canadien étaient supposés de partir en vacances. Puis là, Pat avait dit à ses joueurs, si on gagne pas, il n'y a pas de vacances. Puis là, finalement, le Canadien est revenu de l'arrière. Mon gardien de but avait été faible sur quelques buts. Ah. Je me souviens bien, c'était Bob Froese qui était Bob Froese, le gardien de but. Ouais, c'était incroyable. Dernière question à Michel. Quel est l'héritage, je la pose à tout le monde, la plus grande héritage que Guy Lafleur va laisser aux Québécois? Bon, c'était le respect envers tout le monde. Hein. On en parle tellement que Guy Lafleur était disponible pour n'importe qui. Guy Lafleur n'a jamais refusé un autographe, un sourire, une tape sur le dos. Guy n'a jamais refusé une invitation pour aller voir une personne malade. On connaît l'histoire avec lorsque Jean Pagé était prêt de mourir, Guy était le réconforté avec, mais à l'époque, Michel Baudry. Guy a été un homme, un ambassadeur pour le Canadien, mais pour le Québec. Guy, je l'ai vu lorsqu'il est venu jouer avec moi à New York. Il avait été applaudi à Toronto lorsqu'il portait l'uniforme du Canadien, mais ça continuait avec les Rangers. Puis j'étais fier d'entendre hier le premier ministre Legault dire comment il vénérait Guy Lafleur et de bonnes choses vont arriver dans les prochaines semaines, les prochains mois. Probablement. Et vous avez connu, quand on dit Lafleur, c'était pas rien qu'à Montréal, vous l'avez connu, vous avez su, il était à New York avec les Rangers, quand ils étaient à Chicago, vous alliez à Los Angeles, vous alliez à Washington, dans ce temps-là, Lafleur, c'était une vedette. Et on a même fait vous rappelez au match des étoiles, on a même fait on l'a invité au match des étoiles, on a fait, ça a duré quelques années, des vétérans, on aurait des vétérans dans des matchs des étoiles, et on avait amené Guy Lafleur au match des étoiles, vous vous en rappelez là, de ça? Donc, Ah ouais, absolument. Guy Lafleur, là. Ouais. Dans ces années, il était dans une classe à part, c'est pour ça. Dans les années 80, il était le meilleur joueur de la Ligue nationale. Ouais. Merci beaucoup, M. Bergeron, on s'en parle nous tantôt. Merci beaucoup. L'ancien entraîneur des Nordiques de Québec et des Rangers de New York, Michel Bergeron.